France Info. France Info. Clémentine Bacry et Adrien Normier viennent de boucler un tour du monde en avion ultra léger. En un an, ils ont visité ainsi 35 pays. En échange du gîte et du couvert, ils ont offert leur service aéronautique à des scientifiques, des chercheurs qui n'avaient pas les moyens de se payer un avion ou un hélicoptère. Une vraie réussite, même si au tout début, en Islande, ils ont eu quelques déconvenues. En Islande, on avait rendez-vous avec les gens de l'Institut de préservation de l'île de Surtsey. Surtsey, c'est une île volcanique qui, dans les années 70, est sortie de l'eau. Donc une île toute jeune, qui a une quarantaine d'années. Et cette île, elle a ceci de particulier que les hommes n'ont pas le droit d'aller poser le pied dessus, parce que c'est une base pour l'étude de la colonisation par la vie. Donc nous, on avait été contactés par les gens qui s'occupent de cette île, qui nous avaient dit, écoutez, on n'a pas de modèle tridimensionnel précis de cette île, s'il vous plaît, aidez-nous et réalisez un modèle 3D de cette île. Nous, on arrive extrêmement enthousiasmés à cette idée. Et en arrivant, tout de suite, on va chercher nos scientifiques, les gens avec qui on va travailler. Et puis là, tout semble compliqué. La personne avec qui on avait monté le projet était partie dans la nature, on ne sait pas où. Bref, on fait quand même le modèle 3D de l'île. Puis devant le manque de motivation, finalement, de ces gens-là qui nous avaient appelés, on a dit, bah voilà, on s'arrête là, on laisse tomber. Donc on a un très beau modèle 3D de Surtsey, totalement exploitable, pour gratuitement mis à disposition de tous ceux que ça intéresse. Il faut juste se manifester. Par contre, ce qu'on a fait de vraiment super sympa là-bas, c'est que faisant part de nos états d'âme avec cette aventure auprès d'un géologue local qui s'appelle Ingvar, il nous dit, bah écoutez, moi je suis géologue, mais la situation la plus poignante, c'est la problématique avec les oiseaux. On a des colonies de puffins des Anglais, qui sont des oiseaux de mer, qui sont menacés par un changement de la chaîne alimentaire. Et on a beaucoup de mal à évaluer leur population. Eux, ils vivent dans des nids qui sont complètement à flanc de falaise extrêmement abrupte. Vous pourriez, en quelques battements d'ailes, faire un petit tour de l'archipel et aller nous faire des photographies de ces falaises. Ce qui nous permettrait, nous, ensuite, de compter les nids et d'avoir une évaluation plus précise de la population. Donc, on a dit banzai. Donc, un projet très intéressant, mais sans finalement aucun écho des donneurs d'ordre initiaux. Et puis, un géologue qui nous fait compter des oiseaux. Voilà, on a bien rigolé. Clémentine et Adrien ont passé un bon moment avant de s'envoler pour le Groenland, dont on parlera la semaine prochaine à la même heure.